Les belles rencontres. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne Bergeron. Je suis une artiste de Baldwin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une grande artiste du Haut-Saint-François qui va nous parler de son œuvre et d'images artistiques, Françoise Uzenac, artiste à peintre de Istengus. Bonjour. Bonjour, Françoise. Alors, comme artiste peintre, quels sont les médiums que tu utilises le plus? J'utilise uniquement de l'huile. Juste de l'huile? Juste de l'huile, oui. Et j'ajoute de la poudre de marbre. Tu ajoutes aussi de la poudre de marbre. Ça, c'est beaucoup plus rare. Je pense que tu dois être la seule. Oui, j'ai appris à manipuler la poudre de marbre dans un cours de peintre décorateur. Ah oui? J'avais fait, oui. Est-ce que c'est une matière que tu peux te procurer facilement ici au Québec? Je ne l'ai pas trouvé au Québec, j'en ai trouvé seulement à Toronto. Oui. Peut-être que je n'ai pas cherché assez longtemps au Québec, je ne l'ai pas trouvé. Mm-hmm. Est-ce que pour te la procurer à Toronto, est-ce que tu vas la chercher là-bas ou si ça fait venir? Je vais la chercher, c'est trop lourd pour faire voyager, c'est un matériau qui est pas cher. Mais c'est très lourd. C'est très lourd, hein? C'est du marbre. C'est ça que tu avais pris ça dans ton cours de, pour faire ça. Alors, comment ça rend ta peinture? Qu'est-ce que ça fait? Ça lui donne beaucoup de matière, beaucoup de tenue. Beaucoup de matière, beaucoup de tenue. Oui. Dans quel sens? Parce que l'huile, c'est déjà assez... L'huile, quand ça sèche, a tendance à s'affaisser. À s'affaisser? Oui, ça fait comme des petites ridules sur la surface. OK. Mais quand on met de la poudre de marbre, ça donne, elle ne s'affaisse pas en séchant. OK. Elle garde sa forme. Alors on peut la sculpter. Ah oui. À certains points. Autrement dit, c'est un genre de relief que tu pourrais donner. C'est ça. Et en même temps, ça tient bien la peinture. Oui, ça tient la forme. Est-ce que tu prends toujours le pinceau, tu varies avec la spatule? De moins en moins le pinceau, quelquefois, mais la spatule, mais plutôt que faire dégouliner ou jeter ou des choses comme ça. Mais oui, ça c'est un mot qu'on connaît pas beaucoup, dégouliner, on peut savoir c'est quoi, mais en peinture, ça veut dire quoi, dégouliner? Eh bien, ça fait que la peinture fait un ruban au bout de la spatule et on fait des dessins avec le ruban sur la toile. Ok, oui, à main levée comme ça. Oui, à main levée. Est-ce qu'après tu l'étends? Du tout. Du tout? Non. Ok, tu laisses la lèvre. Oui. Comme c'est fait là. Okay. Oui. Donc, c'est l'inspiration de ta main, c'est ça. De ton intérieur qui passe par ta main, autrement dit. Oui. Fait que tu te laisses aller avec ça. C'est ça. Est-ce que tu prends juste ta main droite ou tu prends aussi ta main gauche? Parce qu'on J'ai toujours peint des deux mains. OK. Oui. Comme ça, tu fais travailler les... Je pense que l'idée est d'abord à l'intérieur, dans la tête. Donc, je prends la main droite et la main gauche. Je suis un peu ambidextre, alors je peux utiliser les deux. Maintenant, tu es à Istengus, mais est-ce que tu as été dans d'autres endroits? Est-ce que tu as toujours travaillé comme artiste peintre? Quel est ton parcours, si on peut reculer plus loin? J'ai toujours aimé la peinture. J'ai toujours aimé dessiner quand j'étais enfant. Donc, ça a commencé quand tu étais très jeune? Oui, j'ai toujours aimé ça. Et puis après, en grandissant, je pensais que c'était seulement un jeu. Et après, je me suis cherché à faire un travail que j'aimerais et t'as vu que c'était la peinture. C'était la peinture plus que d'autres. Oui. Ça aurait pu être le dessin, ça aurait pu aussi. Oui, mais le dessin est dans la peinture. Ok. Oui, pour moi. Ok, fait que tu as relié les deux ensemble. Oui. Et après, une fois que tu as fait la peinture, est-ce que tu as gagné ta vie juste avec ça aussi? J'ai jamais gagné ma vie totalement, mais j'ai toujours gagné un peu ma vie avec. J'ai toujours vendu. Depuis 30-40 ans. Ah oui! Oui, toujours. Mais je vends plus par moi-même que en galerie. Ok. Donc, c'est plus toi qui fais ta gérante. C'est ça. Oui. Est-ce que t'es allé aussi dans d'autres endroits pour peindre, pour avoir une expérience qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? C'est-à-dire, j'étais amenée à déménager souvent dans ma vie, ça m'a amenée aussi à peindre différemment, à faire d'autres expériences. Comme à quelle place? À Toronto, c'est là où j'ai appris à peindre, ou après j'ai enseigné également. Après, je suis retournée à Paris, j'ai continué à peindre. J'ai été peintre décorateur. C'est quoi d'être peintre décorateur? Ou peint décorateur intervient après que les peintres aient fini leur travail sur les murs. Les peintres en bâtiment. Les peintres en bâtiment, oui. Donc mm-hmm. après, on peut faire soit des murales, soit... Il y a des tas de traitements à faire sur les murs. Surtout, j'ai travaillé dans la restauration de 18e siècle, 19e siècle à Paris. Est-ce que c'est toi qui t'as documenté pour faire les... Non, je travaillais à l'intérim, on me donnait un certain travail et okay. je savais le faire, donc je le faisais. Est-ce que c'était des grandes bâtisses? C'était des grandes bâtisses, j'ai fait beaucoup de fausses pierres. De fausses pierres, la fausse pierre, comme le genre de faux finis? Oui, un faux fini. Dans les grands escaliers, dans les cages d'escalier, Georges V, la piscine, tout ça, oui. Mais c'était une belle expérience, les faux finis? Oui, oui, les faux finis, c'est ça. C'est ce que ça s'appelle. Puis à ce moment-là, c'est des grandes bâtisses, il fallait que tu montes dans les échafaudages. Oui. C'est quand même physique aussi. Très, oui. J'aime beaucoup. Mais oui, c'est une belle avenue, c'est une belle corde à ton arc qui est arrivée. Et ensuite, tu es allée où? Après, je suis revenue ici. Mais tu es allée aussi à Toronto, tu sais. À Toronto, c'était avant. C'était avant, oui. Mais tu as dit que tu as suivi des cours. C'est quelle sorte de cours que tu as suivi? Il y avait un peintre que j'admirais beaucoup qui faisait des portraits, des nus, et j'ai pris ses cours pendant quelques années. Oui. Et après, quand il a pris sa retraite, c'est moi qui ai pris sa classe. J'étais tellement flattée. Donc, c'est quand même quelque chose d'enseigner aussi. Oui, et on apprend beaucoup en enseignant. On se rappelle les vieux principes qu'on tente à oublier. Mm-hmm. Les choses de base. Est-ce qu'il fallait que tu prépares tout ton plan de cours aussi? Du tout, non, j'avais un modèle. T'avais un modèle? Oui. Alors, c'était une belle expérience que tu as fait là, à Toronto. Oui. Puis après, t'es allé à Paris. Oui. Puis après, t'es revenu ici à Hastings. Oui. Puis ici, à Hastings, tu fais juste de la peinture c'est maintenant? C'est ça. Oui. Juste de la peinture maintenant. Est-ce que c'est figuratif, hyper réaliste, abstrait? Hyper réaliste, jamais. réaliste, un peu. Disons que c'est figuratif. Figuratif, surtout, parce qu'on trouve des fois. On connaît, mais c'est pas tellement réaliste. Et ça va de plus en plus vers l'abstrait. Okay. Comment tu commences ta toile? Est-ce que tu as une idée en tête? Ou bien, est-ce que tu aimes beaucoup les couleurs? J'ai une couleur en tête d'abord. Je ne pourrais pas commencer une peinture avant d'avoir décidé les couleurs. Ok. Jamais. Ça veut dire que tu as une toile blanche, puis là tu décides, je prends... Une toile blanche, je la mets toujours en couleur d'abord. Je mets du rouge, du jaune, du bleu, une couleur unie en dessous. Parce que la couleur en dessous va unifier... Okay. Toute la peinture. Oui, je comprends. Ça, elle se retrouve un peu partout, alors elle rassemble tout. Mm-hmm. Ça, c'est comme ça que je le vois, moi. Alors, tu mets une couleur de fond. Oui. Et puis, c'est selon la couleur qui te vient à la main. C'est ça. Okay. Non, j'y ai pensé. Je vais faire un fond rouge, donc je vais aller vers cette gamme de couleurs. OK. Oui. Puis après que tu aies fait ton fond, là, tu fais-tu la complémentaire pour commencer ta toile? Pas nécessairement? Non, plus maintenant. Non, puis maintenant, tu laisses plus aller ton intuition? J'essaie de trouver quelque chose qui choque. Qui choque, tu veux dire qui sort de l'ordinaire, pas dans le sens de... mais qui choque visuellement quand même, qui me choque moi. Ok, oui. Qui t'amène comme ça, c'est comme ça. C'est ça, oui. Je cherche ça. Pas dans le sens choqué, là, c'est parce que des fois on va dire choqué... Qui me surprenne, C'est ça, dans le sens surprendre. C'est ça, oui, que ce ne soit pas quelque chose que j'ai déjà fait. Mm-hmm. Sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, si tu ne fais pas quelque chose que tu as déjà fait, c'est toujours innover à chaque fois. C'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on cherche. Mm-hmm. Parce que des fois, quand on est dans une palette, qu'on commence, on est dans cet esprit-là, est-ce que ça t'arrive de faire... genre d'étoiles qui se ressemblent parce que tu es dans cet esprit-là. Ah, une ligne. Une ligne, oui. Dans le même esprit, peut-être, mais c'est tout. OK. Parce que des fois, quand on est beaucoup dans notre palette, dans une certaine période, on met à peu près les mêmes couleurs. Oui, c'est parce qu'on retombe dans les mêmes ornières que je dis. OK. Pour moi, et j'essaie de pas faire ça. Alors, ce que j'ai fait pour casser ça, où je mets la peinture à l'envers. Donc, je vois plus des murs. Ah, oui, je change, j'essaie de casser, de pas retomber dans une ornière, parce que. OK. On n'apprend rien. Mais non, c'est on ça. On n'avance pas. C'est pas la création, non. Là, parce qu'on reprend les mêmes choses. C'est ça. Donc, tu essaies toujours de recréer. Oui. De créer, mais recréer. Oui. Tout le temps, là. Oui. Est-ce que tu mets pour favoriser ta création, est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que tu es amatrice de silence? Je mets toujours de la musique et j'aime chanter parce que ça m'empêche de réfléchir et de penser. Je suis donc dans le mouvement, dans l'instinct, dans ce que je fais. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent, dans le... Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est comme un genre de méditation active. C'est parce ça. Que ça, ça veut dire ça. qu'on ne pense à rien. Rien. C'est ça. Puis quand j'entends, je n'ai pas de pensée qui me guette par la tête non plus. Donc, je me force à agir. Oui. Est-ce que tu as une discipline ou bien ici à tous les jours ou bien... Oui, je suis très disciplinée. Ah oui, si tu fais avec la discipline. Oui. Moi, j'ai besoin de ma discipline. Okay. J'ai besoin de méditer, de faire gymnastique et aller travailler. Alors là, c'est comme ça. C'est une assaise. Ok. Pratiquement. Ok, alors ça veut dire que tu as ta création à tous les jours. Oui. Ah, oh, mais c'est oui. Bien. On va dire que c'est réussi. Tous les jours, j'efface quelquefois la fin des jours où je me surprends. Et c'est ces jours-là que je recherche. Alors j'y vais toujours pour avoir la surprise. Est-ce que tu prends toujours, quand tu vis avec ton sujet, est-ce que pour vivre avec ton sujet, est-ce que tu le déplaces dans la pièce ou... Oui, je marche beaucoup. Tu marches beaucoup pour pouvoir le voir de différents angles. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est comme une énergie. Oui, je viens de dépenser, puis je viens de le faire là, tout de suite. Et puis c'est, oui. Ça arrive. Parce que c'est important aussi, hein, je pense, pour la lumière aussi qui joue là-dedans. Oui. Alors, bien, je te remercie beaucoup, Françoise, pour tes réponses qui nous apportent une belle lumière sur l'ensemble de tes belles créations artistiques. C'est moi qui te remercie, Anne. C'était un plaisir. OK. Au revoir. Au revoir.